c'est le genre de son qui rend ta copine crazy. Crazy, yeah. Un son pour ta copine après elle me désire. I'm not jealous guy, you know. Do you like a, you know? Oh yeah. Bébé, viens te coucher doucement à mes côtés. Ne sois pas timide, laisse-moi te toucher, te caresser. Laisse-moi t'aimer, mes mains glissent sur ton corps. Je sens ton cœur, n'aie pas peur. Ça ne sera que du bonheur. On échange nos sueurs, suis-je ton âme sœur? Peu importe l'heure, je passe une main dans tes cheveux. Ferme les yeux pendant que mes lèvres se collent sur ton cou. Nous deux, ce n'est pas juste un bon coup. Toi et moi, sur la même route. Me sens-tu rapidement ou lentement? J'aime ça passionnément, personne ne nous arrêtera. Je m'occupe de toi jusqu'au lever du jour. Une rose mouillée court sur ton ventre, passant entre ta poitrine. Dis-moi si t'aimes ça, comme si ou comme ça. Je ne le dirai pas à papa. Dis-moi si t'aimes ça, comme si ou comme ça. Je ne le dirai pas à papa. Dis-moi si t'aimes ça, comme si ou comme ça. Je ne le dirai pas à papa. Dis-moi si t'aimes ça, comme si ou comme ça. Je ne le dirai pas à papa. Je m'active en toi toute la nuit, pousse tes cris, agrippe-toi au lit. T'es la plus coquine de toutes tes copines, ça tu me l'avais pas dit. Dans le ciel les étoiles brillent, c'est bien notre nuit. Ton corps de déesse me met en ivresse. Viens juste plus près, une main sur tes fesses qui remonte jusqu'en haut de ton dos. Dis-moi de jolis mots de bas en haut, ça devient chaud. Ouvre la fenêtre, besoin d'air frais. Appuyé à la fenêtre, je me glisse derrière tout en te mordant l'oreille. Tellement de passion, tu dis de moi que je suis un mauvais garçon. Ramène les glaçons, fais voler le caleçon. Puis mets-toi en position et ferme les yeux. Ferme les yeux. Dis-moi si t'aimes ça, comme si ou comme ça. Je ne le dirai pas à papa. Dis-moi si t'aimes ça, comme si ou comme ça. Je ne le dirai pas à papa. Dis-moi si t'aimes ça, comme si ou comme ça. Je ne le dirai pas à papa. Dis-moi si t'aimes ça, comme si ou comme ça. Je ne le dirai pas à papa. Dis-moi si t'aimes ça, comme si ou comme ça. Je ne le dirai pas à papa. You feel me? You feel me? That's for my ladies. I don't talk about bitches, but ladies, you know. I don't give a fuck about the bitches. Bitches and shit, but you know, it's like that. C'est pour les filles. Un son pour ta copine, puis après elle me désire. You feel me? Yeah, so, tu me comprends? Hell yeah. Oh bébé. Oh bébé.